CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On recevra un joueur ou une joueuse de la Luitre pour le segment Dans les coulisses de la Luitre. Laure Constantin viendra commenter l'actualité de l'UQTR dans son voyage au centre du campus et Maxime Tanguy nous fera écouter la musique pour étudier dans J'étude temps pour une chronique. Assemblage requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, mission matinale en pièces détachées. Moi, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. On t'en dirait des studios de ces fois à Trois-Rivières en ce lundi 2 décembre 2013, le mois de décembre qui a commencé hier. Officiellement, hein, c'est ça, si on est le 2. D'habitude. Si la tendance se maintient, demain, ça sera le 3. Et je pense qu'on se rend jusqu'au 31. Ah, peut-être. Ce mois-ci. Attends que je fasse le coup des voitures. OK, janvier, février. Mars, juin, juillet. 31! Oh, oui! 31! Okay. Non, il n'y a aucun agenda qui est ouvert en grand sur mon ordinateur, c'est pas ça. T'as triché, c'est la fin. Donc, passe une belle fête de semaine, sinon? Oui, très tranquille. Oui, on s'est remis un petit peu notre semaine passée, il y a une nouvelle qui commence. Comme toujours, hein, c'est le cycle de la vie, on doit persévérer jusqu'aux vacances. C'est ce qu'ils disent. C'est ça. J'ai essayé, je me suis essayé dans le magasinage. Ah oui? De défaite, en fait, non, ben oui puis non. Sauf que c'était Black Friday, qui dure samedi dimanche aussi. Sérieusement, alors ça c'est tellement une arnaque. En tout cas, continue. Ouais, non, ouais. Mais on commencera pas. Hein. Non, ben non. Mais en fait, je voulais aller magasiner parce qu'on n'a pas de porte-manteau, c'est con. Hein. Mais j'ai pas de porte-manteau à la maison. Mais genre, ou des crochets. OK. Puis finalement, ben, je me suis retrouvé ben, dans des magasins de musique. J'ai acheté un petit peu de vinyle. Le rapport avec les racks, c'est... Ah, le magasin était pas loin. Ouais. Tout est une question de rack. Ben c'est ça. Oh, oui. Oui, en tout cas. Oui, de bonnet et de rack. Exactement. Puis, ben, c'est ça. Fait que je me suis retrouvé dans la foulée de monde qui était pas trop pire. Là. Dimanche, c'était relax. Oui. Ben, c'est ça. Quand même, c'est moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai rien fait d'autre. T'as-tu écouté toutes les émissions là, concernant justement ce que tu voulais acheter? Là, comme ici, à Cifo, une émission qui s'appelle Rack Classic. Rack Classic. Ouais, bon. Bonne. Mettre tes manteaux, là, utilise la laine. Attends. Non, j'essaie de faire quelque chose avec pater et c'est pas évident. Non, c'est ça. Ben, ta blague, tu l'as. Ton pater. Ben, t'as failli l'avoir, mais pater. Ouais, c'est cassé. Et voilà, c'est fragile comme de la porcelaine. Oui, comme Moby. Moby. Porcelaine. Ok. La toune. Ah porcelaine. Oui. Qu'on pourra faire jouer plus tard si tu veux. Peut-être. Si c'est bonne. C'est parce que j'ai vu le vinyle en fin de semaine, puis j'ai vraiment hésité à l'acheter. Porcelaine. Ok. Moby. Ouais. Ouais. Bye bye. Porcelaine, things you do. Donc, aujourd'hui, David, porcelaine, portelance. Oui, porcelance, c'est drôle. Ouais, quand même. J'aurais arrêté une blague avant, mais bon. À 8 ans. À 8 ans, on fera dans les coulisses de la Luitre. Oui. Ça s'est rendu presque un running gag. Là. On en parle, ça n'a jamais lieu, Là, je pense qu'il faut qu'il se rattrape. Donc, on va, je pense, avoir 5-6 invités aujourd'hui. YOLO! YOLO. Donc, ça, c'est à 8 heures. Ensuite, à 8h30, Laurent Constantin voyage au centre du campus. Il nous parle d'actualités qui ont lieu à l'UQTR. Là. Bref, des affaires bien importantes à savoir. Oui. Il vient nous lire sa chronique du Zone Campus à 9h. Ce sera Maxime Tanguay et J'ai tout le temps pour une chronique où il nous présente la musique pour étudier. Ça, c'est bien simple. C'est de la musique souvent instrumentale, calme par moment, des fois un petit peu plus rythmée pour te mettre dans le mood de taper des lettres sur ton clavier. Ouais. Rock cher Père Noël. Ah. Des lettres Père Noël. H-O-H-O-H-O. Oui. Oui. Donc, c'est le plan de l'émission d'aujourd'hui. On va aussi faire C'est un fait, bien sûr. Mais avant ça, ben, je pense qu'on va commencer en musique. Hein. Ben, c'est oui. C'est la formule. Hein? C'est la formule classique. Oui, rock classique. Voici Philémon Simon et sa chanson Soleil blanc parce qu'on espère qu'il se lève aujourd'hui. Oh! Fait noir encore. Je sais pas. Eh, oui. Les stars sont fermées. Il y a ça. Faudrait que j'ouvre mes yeux. Mmh. J'ai encore mes deux concombres. moi aussi, j'ai un concombre. Oh! Bien trempé dans la nette. Ah! Hein? Ah! Non. Je t'ai épuisé. Déjà. Commence bien. Thank you.

Sometimes. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. 8h04, toujours assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. Lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Lui, c'est Mathieu Plante. Dans quelques instants, sur la chronique dans les coulisses de la Luitre, on reçoit Antoine Lacasse aujourd'hui. Oui. Ça s'en vient. Ça arrive. Oui. Oui. Oui. Mais avant ça, on écoute Mother de Sid the Whale. Oui. Oh oui. Pourquoi ça? Ah oui. Pourquoi pas? Maman? Oh oui. I try to always be a gentleman. I try to always be a better friend. Lately I've been feeling half a man. Like maybe I should be more who I am. Maybe I should fuck something up good. Or maybe I should act like someone bad. Try to live my life like David does. But something always feels just slightly off. Test my reach. Adapts and ugly habits that are bad for me. And treats of others not so equally. If I thought I knew me, well, it's clear to me that things are gonna change like 100 degrees. If I thought I knew me, well, it's plain to see that things are gonna change like 100 degrees. Don't tell my mother. Don't tell my mother. Don't tell my mother till I pull myself together. It's undercover. I hope forever. Don't tell my mother till I pull myself together. I think it's me, but I just need to see if this is real. Just hoping that I need me. Don't tell my mother. Don't tell my mother. Don't tell my mother till I pull myself together. Try to always do what people like, and try to be a man that someone might look up to. Somebody that you love, or maybe I'll just keep thinking all about me until I get the proper opportunity that I need. Maybe I'll just keep thinking all of myself until I find a way to be in love with somebody else. Maybe I'll just keep thinking all about me until I get the proper opportunity that I need. C'est The Well et Mother à Assemblage Ricky. Mother. Pardon. Mother. Maintenant, en Donald Duck, s'il te plaît. Mother. Non, et hey, Colin. Ça, c'était quoi? C'était Donald Duck, genre, qui chante de l'opéra. Kimi. Ouais. Donc, cette improvisation est présentée par la chronique dans les coulisses de la Luitre. Et c'est la chronique dans les coulisses de la Luitre à Assemblage requis. Comme on l'aime cette chronique, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Et là, Colin est de retour en force. De retour. Parce qu'on reçoit Antoine Lacasse. Hey, hey! Bonjour! Bonjour, comme dirait Donald Duck, hein? Ouais, ben, comment j'ai fait tantôt? Je sais pas comment c'est sorti. Vous saviez qu'au Dorama, ils vendent un fameux adaptateur que tu peux te mettre dans la bouche et tu peux parler à l'infini comme Donald Duck. Hey! C'est là que tu le dis? Ben ouais. En fin de session de même. Ben, je m'excuse. Bon, ben, Mathieu, je reviens! Ça serait un très bon co-animateur, d'ailleurs, Donald Duck. Oui. Antoine Lacasse, qu'on reçoit en ce moment. Et c'est quoi ton rôle dans la Luitre? T'es joueur dans quelle équipe? Je suis capitaine de l'équipe des Verts. ainsi que vice-président aux communications, qui a un beau titre qui sert pas à grand-chose. Mais ouais, c'est ça officiellement mon rôle dans la lutte. Parfait. Et décris-nous donc ton équipe des Verts cette année. Complètement folle. Wow! Mettons qu'on a besoin de faire du temps. Là. Ouais. Mettons, tu as tout un léger retard mental, c'est ce que tu es en train de nous dire dans le fond. Exactement. Dans mon équipe, il y a un personnage que vous connaissez bien qui s'appelle Alexandre Aramizouiki. Mm-hmm. Vaguement. Hein? Donc, vous comprenez un peu l'ambiance de mon équipe juste avec le personnage d'Alexandre Aramizouiki. Et puis, j'ai deux jeunes femmes aussi qui jouent dans mon équipe, Olivia Pinard-Terrien et Magali Arcan-Brousseau. Parce que moi, j'avais pas ça, des filles avec juste un nom de famille. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pour ça que tes concepts. La Ramise Wiki. Ouais, exactement. Il y a juste toi qui n'as pas rapport, la ouais. case. La case, il faut le diviser en deux. Ouais, ouais. Exactement. Mais non, mais mon équipe est une équipe très concept, en fait. On adore ça, les univers. Donc, on... Univers. On fait des jeux de mots. Vert. Ouais. Aïe, aïe. On est une équipe univers. Puis. Puis c'est ça. Dans le fond, on aime ça. On aime ça. Des fois, on se plante, là, mais on aime ça avoir. Essayez plein de petits trucs qui peuvent surprendre. Genre, faire un impro à la Michel Tremblay quand tout le monde fait un impro à la Quentin Tarantino. Mais tu sais, justement, par rapport à Alexandre Laramis-Wiki, je peux dévier de notre questionnaire ouais. habituel. Là. Ouais. Mettons, là, est-ce que c'est de la pression de travailler avec Alexandre Laramis-Wiki? Est-ce qu'il prend toute la place? Est-ce qu'il faut vraiment se creuser un petit chemin là-dedans? Quand même, hein, ça doit. Ben, en fait, Alexandre est un joueur qui aime ça, prendre la place. Mais en même temps, c'est mon rôle à moi, en tant que capitaine, de bien faire rouler mon banc. Mais je pense que jusqu'à maintenant, ça va assez bien. Mais c'est juste que Alexandre parfois, a des idées que personne d'autre que lui-même comprend. Oui. Alors, à ce moment-là, il faut travailler très fort pour essayer d'entrer dans l'univers d'Alexandre. Puis parfois, il s'en rend pas compte. Il s'en rend juste compte une fois qu'on embarque sur l'improvisoire qu'on n'a absolument rien compris de ce qu'il nous a dit pendant 45 secondes. Malade. C'est un défi. Oui, quand même. Écoute, on va passer du coq à l'âne. Sur une note plus personnelle, parle-nous un peu de toi. Tu viens d'où? Champ d'études? Tu viens d'où exactement physiquement? T'habitais où avant? En fait, on me nomme officiellement Antoine Lacasse de Magog. C'est ça mon deuxième nom de famille. Ah, fait que tu viens de Montréal. Exactement. Donc, je viens de la région de l'Estrie, de la petite région de Magog, tout près du lac Memfré, Magog, et de la microbrasserie La Memfré. Ouais. Tous des endroits que j'apprécie personnellement. Et puis, c'est ça. J'ai fait mon cégep à Sherbrooke en musique. Puis à un moment donné, j'ai décidé que j'aimais plus ça. Fait que je suis venu en loisirs culture tourisme à l'UQTR. Un choix judicieux. Oui. Quand est-ce que tu as commencé à faire de l'impro dans ta vie, toi? J'ai commencé au secondaire, un peu par obligation. Moi, je voulais faire du théâtre quand j'étais au secondaire parce que mon père avait fait du théâtre. Tu sais, j'étais comme le petit-fils qui voulait faire pareil comme son papa. Puis un jour, la professeure d'art dramatique m'a juste dit « Ben, on fait plus de théâtre, mais on va faire une équipe d'impro, ça te tente-tu? » Par oui. ça te tente-tu, c'était plus « Hein, tu vas le faire, hein? » Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Ben, je me suis fait des très bons amis puis j'ai joué pendant 2 ans au secondaire, donc ça a commencé comme ça. Cool! Et puis, est-ce que t'en as fait après ça au cégep? Ben oui! Après ça, j'ai switché au cégep où j'ai rencontré plein de belles personnes, des bons improvisateurs qui m'ont fait grandir dans le milieu de l'impro. Je remercie bien sûr les gens de la Ligue d'improvisation du cégep de Sherbrooke, qui sont encore là aujourd'hui, si vous voulez aller voir, tous les jeudis à l'Artichaut du cégep de Sherbrooke. Ah, oh, c'est cool ça! Artichaut, oui, j'aime ça moi aussi. Et là, t'es dans la lutte depuis combien de temps? Ça fait maintenant, c'est ma deuxième année. Okay. L'an passé, j'étais une petite recrue. Hmm. Et puis, c'est ça, écoute, t'as quand même de l'expérience en impro. Ton meilleur ou ton pire ou les deux souvenirs d'improvisation, ça peut être n'importe quoi. Ouais. J'ai deux meilleurs souvenirs d'impro. Okay. J'ai fait un impro à la manière de Fred Pellerin en tournoi à Alma il y a 2 ans avec le cégep de Sherbrooke. Et puis c'est une des impros avec lequel j'ai eu le plus de plaisir où j'ai narré à la manière de Fred Pellerin un impro de 4 minutes. Qui était une très belle métaphore là, d'un vieux monsieur. Puis ma deuxième impro préférée, c'est une fusillade que j'ai performée 2 fois dans ma vie. Donc j'ai eu pour les gens qui sont pas à l'aise avec la fusillade, c'est tu entres sur scène seul, t'as 30 secondes, puis quand t'embarques sur la scène, l'arbitre te donne un mot, il faut que tu performes une improvisation de 30 secondes. Sans caucus, sans aucune... C'est un aparté, finalement. Ouais, exactement, c'est seul avec toi-même, et puis j'ai pogné 2 fois le même mot, et j'ai fait exactement la même fusillade. Ah! Et ça a marché 2 fois? Ouais, ça a quand même assez bien marché les 2 fois. Wow. C'était quoi le mot? Sushi. Sushi? Ah! Sushi, miam! Oh, salut Steph. Oui, on surnomme Steph Paradis Sushi. Ah, oui. C'est comme ça. Ça n'a rien à voir. Non. Pour toi, l'improvisation, qu'est-ce que ça représente? Pour moi, l'improvisation, c'est vraiment une façon de lâcher mon fou, mais aussi une façon très intelligente de travailler. Je trouve que l'improvisation est une preuve d'intelligence suprême. Les gens qui sont capables de me battre à l'impro, je les trouve tellement intelligents, en fait. Là. En toute humilité. Là. Ouais. Oui. Puis c'est ça. Je pense que c'est, pour moi, l'impro, c'est vraiment une façon de démontrer toute ta connaissance dans 10 secondes d'impro. Ouais. Parce qu'il faut que tu saches c'est quoi la référence du gars en face de toi qui parle pas la même langue que toi en ce moment. Mais il faut quand même que tu saches que Black Travis Sabarabo, ça veut dire, viens-tu, on va aller manger une crème glacée. Fait que je pense que c'est ça. Là, c'est tout ce côté-là de d'introspection et d'extravertissement. Wow. Tout en même temps. Extravertissement. J'aime ça. Oui. Ah, mais c'est pas ça qu'ils disent avant d'écouter un film, extravertissement. Peut-être. Ouais. Ouais. Ouais. T'es cabotine. Ouais. T'es wow. Sifflet. Oui. Hey, c'est Donald Duck qui siffle en allemand. Est-ce que vous savez le mot qu'il faut dire dans un gazou quand on donne une pénalité d'impro? Non. Je vous donne un indice. C'est un whiz. C'est un mot avec deux V. Vouvouzela. Oh, je pense que Jean-Philippe a trouvé le mot, mais il a pas osé le dire en ondes. Aussi, tellement capotant ça aussi. Hey, c'est drôle. Vous dites vraiment ça? Ben oui. Ben, en tout cas, moi, je connais plusieurs habits qui le font. Mais est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un le fasse pas exactement directement au bon endroit dans le gazouille, que le mot ça? Ouais. Ben, moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Ben, peut-être. Mais tu sais, je suis pas poche, genre à ce point-là. Ouais. Ah, ben si écoute, maintenant, à chaque fois que je vais entendre le gazou, je vais penser à d'autres choses. Et tu vas pas pouvoir te lever de ta chaise pour le reste du monde. Non, si, il va falloir que je reste assis. Si je me lève, j'ai besoin d'un coussin. Pour ceux qui ont compris le gag. Oui, c'est ça, c'est... Si vous n'avez pas compris, vous ne suivez pas par deux. Non, c'est ça, mais tu sais, c'est facile à comprendre, 2V. 2V. Okay, donne-moi des mots rapidement là, qui commencent par 2V. Valvita. Oui, c'est bon. Wow. Quelque chose avec les Vulcains, là, dans... mais marche pas. Non. Rapidement, là, tu nous as conté deux bons souvenirs. Ouais. Y a-t-il quelque chose, à un moment donné, où ça a été vraiment humiliant, où t'as fait une gaffe... genre, t'es rentré, puis il fallait vraiment pas que tu rentres. Ce qui est intéressant avec l'impro, c'est que c'est éphémère. Donc, t'essaies d'oublier les mauvais souvenirs, puis garder juste les bons. Puis, je suis une personne qui adore ça. C'est une de mes forces, qu'on me dit souvent en impro, c'est que moi, je peux faire la pire impro de tous les temps, revenir au banc, puis c'est comme si ça s'était jamais passé. Fait que j'ai pas vraiment de vraiment très mauvais souvenirs. Sauf peut-être quelques fois où j'ai joué avec des joueurs très peu expérimentés, souvent en tournoi, où là, t'es comme en train d'essayer de faire de l'impro, puis il se passe rien de l'autre côté, donc t'as personne qui te donne, puis ça devient à un certain moment très malaisant. Mm-hmm. Moi, je pensais qu'à un moment donné, tu serais arrivé sur la glace, sur la patinoire, en fait, puis t'as joué tes pantalons, genre, quelque chose comme ça. Ah, non, comme, mais, non, mais tes rêves. J'ai déjà tué tout le monde. Mais dans une impro, hein, tout est permis. Ça, est-ce qu'on y va avec une question à rafale? Je sais pas, j'ai le goût de les essayer aujourd'hui. On les a jamais fait parce qu'on les a pas vraiment travaillés avant. Genre. Non, mais on va les travailler ensemble. Je suis content d'être l'expérience de vos questions. Question vraiment random. Qu'est-ce que t'aimes bien déjeuner, Antoine Lacasse? Moi, j'aime bien les sandwichs avec un œuf à l'intérieur. Est-ce que c'est ton déjeuner préféré? Ben, c'est celui que je me fais le plus régulièrement. Est-ce que tu fais avec un bagel ou avec un muffin anglais, mettons? N'importe quelle source de pâte me va bien. Source de... OK. Oui. Mais l'important, c'est le fromage. OK. Blanc ou jaune? Ça dépend des matins. Ce qu'il y a dans mon frigidaire, mais moi, je préfère le blanc. OK. Suisse ou cheddar? Cheddar. Cheddar, OK. C'est quoi cette question-là? Œuf tourné, pété, crevé? Ça dépend encore des matins. Okay. J'aime bien un petit œuf retourné, mais un petit peu coulant. Quand même. Quel type de viande? Ouais. Moi, je suis très saucisse dans la vie, mais à la maison, c'est souvent du jambon. Là, c'est plus facile, hein? Les deux que j'aime moins. Double portion de viande ou... Non. Non, moi, c'est toujours double portion de bacon. Ouais. Mayonnaise, Miracle Whip. Mayonnaise. À l'intérieur? Ouais, ouais. Avec du beurre ou margarine? Non, pas rien. Pas rien dessus? Non. OK. Fait que si je récapitule, n'importe quelle source de pain... avec un œuf coulant un petit peu saucisse, mais sa maison c'est tout le temps du jambon. Oui. Puis de la mayo, c'est ça. Tomate, pas fromage. Fromage blanc, ouais, excuse-moi, je suis d'accord. Pas de tomate le matin, c'est trop acide. Laitue? Non plus, pas de légumes? Non, les légumes j'aime pas ça. Ça empêche le gras de passer. Ben oui, c'est ça. Excellent. Finalement, ça a bien été. Ah, c'est une bonne question, j'aime ça. Tout le temps la même question à chaque fois, ça serait parfait. Oui. Est-ce que tu t'essayes sur l'autre, Mathieu? Okay. Oui, est-ce que t'es Mac ou PC, toi? J'ai pas de préférence. Non, mais mettons, tu choisis, t'avais à choisir là, le drette là. En ce moment, j'ai un PC. OK, et Windows 7? Je suis sur Windows 8, puis colline que ça va mal. Ben, c'est sûr. C'est Windows que tu utilises avec tes coudes, tellement que les cases sont grosses. Il y a même trop de place pour l'actile là-dessus. Je sais pas, as-tu une imprimante? OK. Oui! C'est rendu plate, rendu là. C'est quoi tes applications? Applications préférées? Ben, une petite dernière, là. Oui, Coke ou Pepsi? C'est n'importe quoi. Est-ce que tu bois des boissons gazeuses, Antoine Lacasse? Pas beaucoup. Et puis, je dirais, ma réponse serait pas diète. Ah oui, j'aime pas ça quand ça goûte l'aspartame. Ouais, moi non plus. C'est pas bon, l'aspartame. Puis moi, je suis pas... Mets pas ça dans ton yogourt, ça goûte pas bon. Non. Moi non plus, je suis pas fan de ça. Des fois, je pense que c'est ça qu'ils rajoutent maintenant au Tim Hortons, quand tu manges du sucre. C'est tellement sucré. Dark. Là. Mais mets pas de sucre dans ton café. Anyway. Je te demande à part maintenant. C'est ça, demande à part. C'est de la pertinence. Ah, vraiment, vraiment. Sais-tu ce qui va être encore plus pertinent? C'est si on te demande de faire une petite aparté. Oh oui! Oh. Une aparté, vous savez ce que c'est? C'est une improvisation sur un sujet choisi au hasard par la personne qu'on reçoit. On leur donne la chance de parler directement au public. Et la question qu'on doit poser est la suivante. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui, Antoine Lacasse? Les Français. Salut tout le monde. Je voudrais vous dire qu'on reçoit cette semaine des Français le mardi 3 décembre à la Chasse-Galerie à 19h30 ou 7h30 ou le mix des deux. Ça revient au même. L'important, c'est de vous dire qu'on reçoit une gang de fous qui est en tournée autour du Québec qui arrête aujourd'hui, demain à Trois-Rivières, donc mardi. Pour venir nous chanter la pomme, boire de la bière, faire des impros un peu loufoques. Et puis, vous allez voir tout le côté français de l'improvisation, donc qui n'est pas du tout celui gravilien que l'on connaît. Donc, pas d'arbitre, pas rien, genre... Fouhou! Ah. Vous dites? Vous dites? Hey, moi, j'aime vraiment ce concept-là. Je sais pas qui a pensé à ça. Là, je c'est sais vraiment pas, une bonne idée. Qui a pensé à ça? C'est toi? T'as eu 6 minutes, toi? Moi, Maxime Tanguay et Philippe Grenier, on a fait une émission durant tout l'été qui s'appelait L'Aparté. C'est vrai. Donc, et puis c'est exactement la même trame sonore qu'on utilisait lors de nos apartés. Donc, on nous l'a fourni avec une extrême générosité. Oui. Mais ça nous a fait plaisir. On est allé chercher ça à la source. Oui. Sur l'ordi. Un PC. Hey. Oui. Donc, normalement, on prendrait la fin de la chronique pour parler d'un match qui s'en vient. On va, oui. Tu viens juste d'en parler dans ton aparté, mais on va quand même juste résumer les faits. Oui, donc il y a un match demain, orange-rouge, si je ne me trompe pas. Ce soir. Ce soir, oui, ce soir. Un match orange-rouge. Tout orange-rouge, oui. Ce soir. PC contre Cocotte. Ah. Oui, exactement. Parce que c'est, il y a aussi Jonathan Côté, plein d'autres joueurs. Jonathan devant, Jonathan derrière. Ah, ouais. Philippe Grenier, dans les oranges. Philippe Grenier, Vanessa, Fortin. Name it sont toutes là, soit dans foule ou ça à scène. Ouais, exactement. Voilà. Et puis c'est les Verts qui sont staff, donc vous allez voir, c'est incroyable quand les Verts sont staff. Là, ils vont vous passer la cruche et vous donner des coupons pour gagner des prix à la barrique, ainsi que des billets à la lime. Donc si vous venez, hein, sachez que la lutte fait tirer à chaque semaine. Hey, c'est gratuit, puis tu pourrais gagner. Ça pourrait être payant d'aller à une place gratuite. Exactement. Wow! Incroyable, donc c'est ce soir, 19h30. Exactement, et il y a un match demain où on reçoit une équipe de Français qui s'appelle... Les parties rapportées. Ouais. Rapportées, je pense, exactement. Puis est-ce que c'est à la Chasse-Galerie? Oui, c'est quand même sur la scène de la Chasse-Galerie. Et puis, venez voir le style français, qui est un tout autre style, parce qu'eux, ils ont pas des ligues d'impro, mais ils ont des... ils appellent ça des... Des rassemblements ou encore des troupes d'improvisation. Des troupes. Alors, eux, ils font 250 pratiques par semaine et puis ils jouent une fois par tous les trois mois. Alors que nous, on y va par un match par semaine et jamais de pratique. Ben ouais, c'est ça. YOLO. Puis eux autres, sûrement que leur match sont à 18h35. Là, tout le temps à 35 ou 5 en France, les affaires. T'as-tu vu ça à TV, c'est ça? Non. À 5, en tout cas, bref. On s'en fout, mais c'est vrai. Ben non, mais c'est pour que t'aies les pubs. C'est pour pas que t'écoutes les pubs. Pour ça. C'est ça. Ouais. Mais venez en grand nombre, puis c'est important de vous, public qui aimez l'improvisation, de venir voir cette expérience-là du mardi, puisque de un, c'est pas le même jour, et de deux, ça va être une expérience complètement nouvelle pour vous. Donc venez vous amuser avec nous, je pense qu'on va tous apprendre beaucoup de cette expérience. Est-ce qu'on sait les joueurs qui joueront mardi? Est-ce que tu sais c'est qui joue? C'est pas encore tout à fait confirmé. OK, ça dépend des dispos. Ouais, exactement. Il y a plusieurs joueurs qui ont démontré de l'intérêt, mais je vérifie ça là, en sortant de la chronique ici. Donc si vous voulez aller voir,

Il est 8h30 en ce lundi matin du 2 décembre 2013. Lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, merci. J'ai vu Laurent Constantin passer. Il s'en vient dans quelques secondes. Il est temps de vous dire qu'Antoine Lacasse aimerait se faire faire un passe-partout par le DG. Oui. Je sais pas si t'en as parlé un petit peu, là, ou c'est juste à moi. Là. Rapidement, je pense que j'étais là. Je crois, il me semble que t'étais là. En fait, il veut le même style. Tantôt, on parlait de... Pourquoi on parlait de tout le monde en parle? Bonne question. Ah, oh, la question qui tue. Oui, on a fait une question qui tue. Mm-hmm. Mais là, dans le même style, on dirait qu'on est lundi puis que les gens ont écouté ça hier. Dans le même style, Antoine Lacasse voudrait une carte chouchou pour pouvoir rentrer dans n'importe quelle émission pour pouvoir venir faire des gags, des grimaces. C'est ça. Ce serait pertinent, moi j'aimerais ça. Ben oui. J'aimerais vraiment ça. Antoine, tu peux revenir quand tu veux. Tony! Avant de passer à Laurent Constantin, voici une pièce de Dr. Dog, Broken Heart. Dr. Dog, Broken Heart. Oh! Ah, moi j'avais le cœur brisé la semaine passée, tu sais. Oui. Parce que Laurent Constantin était pas là. Mm-hmm. Mais là, il est là. Oui! Mon cœur est recousu. Ouhou. Voici Voyage au centre du campus. Recousu par Dr. Dog. Ah oui, oui, oui, oui. Docteur. Ça vaut la peine que je l'arrête et je la reparte. Oui. Parce que c'était très malaisant. J'ai vraiment essayé de la dire vite, puis là, je me suis enfargé dans mes mots. Mon cœur était brisé. Maintenant, elle est recousue. Par Dr. Doug. Voici Voyage au centre du campus. I used to own this town. Now it's all turned upside down. I wish I could figure out. Do you think it's just a phase? Docteur Dog. Hey, Docteur Dog. Salut, Laurent Constantin. Salut, Mathieu Plante. Ça va bien? Ça va bien, toi? Je réalise, je sais pas si c'est tout le temps comme ça ou c'est juste intentionnel que JP, tu manques le Q à tous les fois ou simplement tu veux pas t'investir dans notre. Tu veux pas t'associer à ce. Ouais, genre dans notre de... hurlement de loup. Non, c'est, ben, je l'oublie. Je l'oublie. Je comment sais pas, oublier okay. Un loup qui hurle comme ouais, ça? Mais je réfléchissais encore à mes actions de Dr. Doug. C'est quoi cette histoire-là de Dr. Doug? Je suis arrivé trop en retard dans l'émission. J'étais là. C'était pas ce matin? Oui, c'était le matin. Ah, oui, c'est juste le nom du gars qui chante. Là, qui chantait dans Broken Heart. Juste avant quand, la chronique. Genre. Broken Heart. Broken Heart de Dr. Doug. C'est, imagine-le, c'est un docteur chien, puis imagine-le dans un film d'horreur. What? It's alive! C'est soit en noir et blanc, là, sur des vieilles pellicules. Ouais. Genre. Puis il n'y a pas de parole, il y a juste genre du texte qui apparaît. Des cartons. Ouais. Donc, voyage au centre du campus. Eh oui. Ben, je suis désolé, les gars, de vous avoir posé un lapin la semaine passée. C'était chien. C'était chien. Dog. OK. C'était chien. Ah bon, OK. Alors, ben oui, c'est ça, je revenais de Boston, puis on est arrivé ici à 7h30, je me suis endormi, puis j'ai oublié que j'avais une chronique une heure plus tard. Ouais. Ben ouais, c'est des choses qui arrivent. C'est pas grave, on va juste te battre quelques fois jusqu'à temps que ça fasse une crème Boston. Oh! crème Boston! Joke de beigne. Bon. Alors, cette semaine, au voyage au centre du campus, la saison des portes ouvertes, c'est du sport. Ça, c'est une porte ouverte. Alors, c'est en ce mois de novembre que se battent pour un premier rang de toutes les universités québécoises afin d'attirer les meilleurs étudiants collégiaux, les meilleurs candidats étrangers et, bien entendu, le plus grand nombre possible de gens, dont ceux qui ne seront pas admis ailleurs. Chacune des universités mettra de l'avant ses spécificités et ses programmes uniques au Québec ou au Canada. Elles seront toutes les plus accueillantes, les plus reconnues, les plus meilleures. Quoi qu'il en soit, quand c'est rendu qu'on voit une pub télé de l'UQTR à Boucherville, on sent que ça joue du coude ces temps-ci. Une éolienne! Ma mère va capoter! En 2010, en m'inscrivant à l'université, je n'avais même pas pensé à me déplacer aux portes ouvertes. Je n'avais jamais mis les pieds à l'Université du Québec à Trois-Rivières avant d'y être admis. En fait, la première fois que j'ai vu l'université et son campus de mes propres yeux, c'était le jour de mon déménagement. Mon premier contact a donc été les belles vieilles résidences étudiantes brunes du gîte universitaire. Moi qui croyais avec beaucoup d'enthousiasme habiter avec du monde de la région, je me retrouvais sur le cul en ouvrant la porte de mon appartement. Bonjour l'Afrique! Mes colocataires étaient sénégalais et nigériens. Toute qu'une région. Pas grave, je me suis dit. J'étais alors certain que j'allais leur partager mon bagage culturel québécois et qu'ils feraient de même en retour. J'allais leur faire aimer le Québec. Échec. Ils étaient déjà à Trois-Rivières depuis 2 ou 3 ans, finissaient chacun leur baccalauréat en génie électrique et n'avait rien à cirer du petit gars de la banlieue montréalaise. C'est donc ça l'effet surprise que l'UQTR m'a offert. J'aurais peut-être dû y aller à la porte ouverte. Sur Internet, ce n'est pas pareil, il fait toujours soleil, la collégialité des étudiants est palpable, les résidences universitaires sont franchement rénovées et il n'y a pas d'odeur. Hélas, tout ça, c'est comme Facebook, on y présente tout à son meilleur. De toute façon, on ne comprend pas réellement la dynamique universitaire tant qu'on ne l'a pas vécu. Université, ouvre-toi! Il y a des universités qui font réellement des pieds et des mains pour faire de ce type de journée un succès monstre. Par exemple, cette année, l'Université de Sherbrooke nolise des autobus qui partent de Montréal et Québec en s'arrêtant prendre des gens à Victoriaville, Granby et Bromont. Tout ça pour remplir son centre sportif de curieux. Ils attendent en tout 2000 personnes. En comparaison, 638 personnes se sont déplacées au CAPS le 2 novembre dernier. Est-ce exagéré? Attendez un peu d'entendre celle-là. À ma dernière année de cégep, l'Université du Québec à Rimouski m'avait invité à lui rendre visite en me payant l'aller-retour en autobus à partir de Montréal, la chambre d'hôtel pour une nuit, le déjeuner et un dîner, la demande d'admission gratuite, la visite du campus et la visite de la ville. Tout ça gratuitement. Rimouski. J'avais pensé y aller. pas nécessairement pour m'y inscrire, mais simplement pour l'occasion offerte de visiter le petit coin de pays de Boucardiouf. Au fait, cela se ferait à n'importe quel intéressé, pas seulement moi. À l'appel de l'international. Les universités du Québec cherchent à remplir leurs classes. Ça se comprend. Avec une légère baisse démographique en vue, quoi de mieux que de plancher sur les étudiants étrangers? Par exemple, l'Université de Montréal a continuellement des représentants envoyés aux quatre coins de la francophonie afin de recruter à l'international. Ça rapporte, ces étudiants-là. Pendant que ça nous coûte, étudiants québécois, environ 1 500 par session, il en coûte aux étudiants non québécois environ 8 810 $ par session. Je viens peut-être d'élucider le mystère de mes deux anciens colocataires. Pendant que je tentais de sympathiser, eux, ce qu'ils voyaient, c'est le compteur qui tournait. À l'automne 2012, il y avait 750 étudiants étrangers à l'UQTR. C'est seulement 2,4% des étudiants étrangers du Québec. On en reçoit en tout 30 677. Pendant que les universités francophones se partagent les étudiants d'origine française au premier rang, McGill et Concordia ont probablement le monopole des étudiants des États-Unis, deuxième, de la Chine, troisième, de l'Iran, quatrième, et de l'Inde, cinquième. Une flopée d'étudiants provenant d'Afrique et d'Europe suivent ensuite. D'ailleurs, à l'UQTR, et cela m'étonne, la Chine est au premier rang, suivie de la France, du Maroc et du Cameroun. Pour en finir avec les portes ouvertes, si vous vous demandiez au printemps 2012 pourquoi les universités voulaient autant augmenter leurs dépenses dans le positionnement concurrentiel des établissements universitaires, n'allez pas chercher plus loin. Après Noël, n'ayez crainte, à la télévision, comme dans tous les autres médias, on vous annoncera le deuxième round de portes ouvertes et on vous scandera l'objectif 1er mars. Ne l'oubliez surtout pas. Eh bien, ça me surprend que ce soit, c'est quoi, c'est 7 fois ou quelque chose comme ça plus cher pour d'étudier quand t'es un étudiant étranger? Oui, à peu près, à peu près 5 à 7 fois. Ouais. C'est quand même énorme. Et ça, c'est sans compter leur appartement, la nourriture et tout le reste. C'est vraiment juste pour les cours. Oui, vraiment juste les frais de scolarité, comme on dit, pour qu'ils puissent dans les cours. Donc, c'est pour ça, je sais pas si vous avez déjà expérimenté l'université la fin de semaine. Un peu. Si vous allez à la bibliothèque un samedi ou un dimanche. C'est des étudiants étrangers. Oui. On se sent seul dans notre cœur. Non, je ne savais pas. Est-ce que c'est parce que tout le monde, j'imagine, paye pour les universités, même si on n'est pas étudiant, c'est ça? Moi, je connais rien là-dedans sur le financement. Les étudiants étrangers, lorsqu'ils viennent ici, le gouvernement ne leur donne pas la même subvention qu'un étudiant québécois. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment... peut-être pas 100% de leurs études qu'ils payent eux-mêmes, mais une bonne partie. Parce que si on regarde 8 800 $ par session, si quelqu'un étudie en littérature ou en philosophie, ça ne coûte pas réellement 8 800 $ dans tous les cas étudier un philo. Mais par exemple, si étudie en génie, là, c'est un montant qui est peut-être plus... peut-être plus représentatif de ce que coûte réellement les études. Oui, exactement. Mm-hmm. Tu as parlé des gîtes universitaires, des appartements qui sont disponibles, je pense qu'on pourrait dire. Oui, j'ai habité 2 années dans des résidences étudiantes. Autant les vieilles brunes du gîte universitaire ou les vieilles grises des résidences universitaires. 97, je pense que c'est ça. 90, je pense. 97 peut-être, oui. Ouais. Et résidence 97. Moi aussi, j'ai habité là. C'est rempli d'insectes et quoi? C'est au-delà du stationnement devant le Ringuet, là, des belles vieilles résidences qui sont accueillantes et qu'on se dit c'est peut-être notre premier logement qu'on va avoir à Trois-Rivières, mais en fait, puis c'est ensuite qu'on se rend compte que les appartements à l'extérieur du campus coûtent beaucoup moins cher. Ah oui. Mais souvent, on paye pour la tranquillité d'esprit. On arrive, tout est inclus. Les meubles sont inclus. Internet est inclus. T'entends tes voisins. des fois. Il y a de la vie. On paye pour la tranquillité d'esprit. Étiez-vous allé à une visite guidée, une porte ouverte à l'université? Non, je suis même pas allé, mais en fait, moi, c'est ça, je m'inscrivais en loisirs, culture, tourisme, c'était la seule université qui le donnait. Donc, je me suis juste inscrit, j'ai fait exactement la tranquillité d'esprit, j'ai fait des résidences, tout est meublé. On y va là. J'ai fait des bonnes rencontres. C'est là que j'ai rencontré Alexandre Laramie Wiki. Ah oui, j'ai vu les photos. Oui. Tu étais coloc avec... Oui, tout à fait, puisqu'on se retrouve avec des gens qu'on connaît pas. Je me suis retrouvé avec Alexandre. Il m'avait déjà parlé de ses colocs. J'avais pas fait le lien que tu ferais partie du lot. Et voilà, je venais avec la batch. Mais moi non plus, c'est ça, comme je dis dans mon récit. Non, Porte ouverte ici, mais je suis allé à une porte ouverte à l'Université de Montréal et je trouvais ça malaisant. C'est pour ça que j'ai pas refait l'expérience ici. Je suis arrivé au CEPSOM, le gros centre sportif à l'Université de Montréal, pour finalement me rendre compte que j'avais pas vraiment de questions à poser. Là, hop, il y a plein de kiosques. Hop, ça c'est le kiosque du programme, je veux m'inscrire. Hop, j'ai pas de questions. Je vais prendre un dépliant comme tout le monde. Puis non, j'ai pas besoin de visite guidée non plus. Bonne journée, Université de Montréal. Bonne journée. 3 minutes, c'était fait. Oui, exactement. C'est un peu malaisant. Et ben. On clique dans un campus. Oui, tout à fait. Aux 2 semaines. Et tu vas être de retour la semaine prochaine. Et oui, la semaine prochaine sera déjà mon dernier article en collaboration avec le Zone Campus. Ah, oui. À vie? Seul Dieu le sait. Qui vivra verra. Oui, exactement. Non, je pars en stage toute la session d'hiver et pour moi, je me suis dit que c'est impossible, premièrement, de pouvoir produire à toutes les 2 semaines en étant en stage. Puis c'est aussi un peu imposteur de faire l'actualité du campus en n'étant pas sur le campus. Donc, je pourrais vous inventer des scandales, des faits, plein de choses. Là. Je sais pas, la rectrice pourrait devenir aliéné mental. Je pourrais inventer plein de choses. Je préfère en faire de la fiction campus. Ouais. Fiction campus. Après les téléromans et les radioromans, les journaux romans. Ah oui! Pourquoi? Avec la petite musique qu'on a là. Dans un monde où la rectrice... Quelque chose comme ça. Je suis pas un improvisateur, j'arrête ici. Mais on va quand même se voir la semaine prochaine et sûrement l'autre d'après. Oui. Cool. Il nous reste la semaine du 9 et la semaine du... je crois que c'est 15. Ouais, je vous lâche pas avant. Ouais. 9 et 16, tu vois. Excellent. Merci Laurent Constantin. Ben, c'est un plaisir toujours renouvelé. Oui. Bonne journée. Et à la prochaine. À bientôt. On écoute, on a créé un monstre. Voici le corps est lourd. Le corps est plutôt raide. Et la gravité affamée. Il n'y a aucun filet. En dessous de tes pas. Tu as tout ton poids. Le vide a tout son temps. Et la lourdeur de ton tourment. Et parfois le corps est lourd, mais l'âme est légère comme l'air. Le corps est lourd, mais l'âme est légère comme l'air. Quand le vent te pousse à contre-courant, le glissement de tes pas. Sur un tambour, les yeux vers le bas. Tu hallucines subitement. Tu l'élites de là-haut. Au-dessus des moyens de tes affaires. Tu sais si bien le faire. Tu sais si bien le faire. Je savais même pas que le mot âme était féminin. Ah! L'âme est légère, je savais pas ça. Ben oui, moi, c'est âme. Pas légère, toi, c'est ça. Ouais. Légère. Légère. Comme mes cigarettes. On va te prendre des paquets de légères, s'il te plaît. Des légères. Le corps est lourd, dont on a créé un monstre à Assemblage requis. Et quand même, on était à 10 minutes environ du début de la chronique de Maxime Tanguay. Oui, ça s'en vient. Tu as une bonne chronique. Oh, 9 minutes. Oh, le temps passe vite! Est-ce que tu penses qu'on se rend à 8? Ben, si on a quelque chose à dire, peut-être. Apparemment que cette chanson d'On a créé un monstre commence à jouer un petit peu partout dans les radios, donc peut-être que vous allez la reconnaître et peut-être qu'elle ne jouera plus très très longtemps sur nos ondes. Donc profitons-en pendant qu'elle est encore là. Oui, peut-être qu'on peut encore la jouer. On en trouvera une autre. Une autre, On a créé un monstre, il y en a comme plusieurs sur l'album, je pourrais pas vous dire. Oh, oui, c'est ça. Je pourrais vous dire 11. 11. Fascinant. Est-ce que t'as une toune? Non. Deux tounes? Non. Trois tounes? Non. Quatre? Non. Je me demandais si on se rendait à 11. Je sais pas. On a topé le 4, écoute. Ouais, ça sera à battre la semaine prochaine. C'est un peu difficile à écouter, je pense. Ouais, peut-être c'est un petit peu lourd. Lourd. Comme le corps, hein. Mais le corps, c'est très lourd, dépendant, parce que vous savez que plus tu perds du poids, on dit que plus ton engin masculin devient grand parce que tu le voyais pas avant. Tu étais caché par le gras, tu sais. Ouais, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste une illusion d'optique. Et voilà. C'est une illusion de coctique. Ah! Ouais! Ouais, attends un peu. Là. Ouais, vas-y. Ouais. Illusion, le petit cul. C'est l'inverse. Ouais. C'est pas drôle non plus. T'as d'illusion d'optique, c'est quand tu trempes ton engin dans de la dette. Quand tu ouvres le pot en forçant de l'engin. Et voilà. Et voilà. Non, mais c'est assez. On s'en va entendre une chanson de Darcy's sur leur album Warring, pardon, voici Hunting. Sur C'est fou. 89.fm. Après ça, ben, la musique calme, douce à nos oreilles. Comme du jus de pickle. Manum. Manum. The Darcy is Hunting. Au retour, Maxime Tanguay. Et j'ai tout le temps pour une chronique. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a le temps? Mais on va voir. Ouais. On va voir. Avant ce cyber lundi. Cyber lundi. On en parle après la pause. OK. OK. Cyber lundi. Pour l'instant, c'est l'Info Campus. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. CFOU 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, on est toujours à Assemblage requis. Et lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Lui, c'est Mathieu Plante. On parle de cyber lundi tantôt, avant la pause. Ben oui. Ouais, cyber lundi. Est-ce que tu savais que c'est très récent comme idée, le cyber lundi? Hein? Ça a commencé en 2005. Ah! Oui! C'est récent. On nous dit, selon Wikipédia, que c'est un terme de marketing pour identifier le lundi après le Black Friday, après le Thanksgiving, etc., etc. Selon une étude réalisée en 2005, 77% des revendeurs en ligne avancent que leur vente augmente de façon marquée le lundi suivant Thanksgiving. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à faire des deals pour avoir encore plus de ventes. Là. On rapporte que les consommateurs américains ont dépensé 32 milliards de dollars américains en achats en ligne lors du cyber lundi pour l'année 2000. Bref, peu importe, mais bref. Hein? 32 millions... Milliards. 32 milliards. Milliards. Mais je suis allé sur... juste parce que moi, le Black Friday m'intéresse pas du tout, mais Cyber Monday m'intéresse pas mal plus. Moi, ça veut dire que, mettons, là, on parle en général, il y a plein de monde. Pour que les gens achètent pour 32 millions, d'après moi, ils vont passer la journée sur Internet à acheter des gugus. Je pense que oui, parce que je cherchais Cyber lundi 2013 là, et Future Shop, Walmart, Toys R Us, Home Depot, tout le monde a des Cyber Monday. Là. Bon, des TV moins chers. Ben écoute, l'année prochaine, le lundi après le Thanksgiving sera férié. Férié. Et j'étais sur blackfridaydeathcount.com. Est-ce que tu connais blackfridaydeathcount.com? Il y a eu 7 morts lors des Vendredis Noirs jusqu'à maintenant et 90 blessures. OK. Donc, si on retourne, en fait, cette année, il y a une blessure. Je vais compter 2013, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quand même, c'est long. 13, 14, 15. 15 morts en 2013 par rapport au Black Friday. 15 morts? Non, 15 blessés. 15 blessés, excuse-moi. Okay. Il y a eu une mort. En 2013. En 2013. Incroyable! Ils ont pu reculer jusqu'en 2006 sur blackfridaydeathcount.com. c'est très drôle. Un peu morbide, mais c'est très drôle quand même. Mais c'est beaucoup. Les gens sont fous. Les gens sont fous. Hey, justement, j'étais aux Rivières hier et eux, ils appellent ça le vendredi fou. Hein. Oui, mais c'est ça. Pancart. Mais oui, il ne faut pas que Black Friday... Ben non, c'est raciste. Oui. C'est vendredi afro-américain. Oui. Ah, Maxime Tanguay. Allô. Allô. Le vendredi afro-canadien, c'est tant de ben oui. On va l'accueillir tantôt, Maxime Tanguay, pour vrai, avec sa chronique. J'ai tout le temps pour une chronique, mais avant ça, on se faufile un album qui est complètement noir de sa couverture. Hey, je peux-tu juste... Hier, j'ai écouté World War Z. OK. Et j'ai vu une image par la suite. C'était Walmart avec le fameux mur de zombies qui monte. Oui. C'est marqué « Ma vision du Black Friday ». J'ai trouvé ça super drôle. T'as-tu aimé ça? World War Z? Oui. J'ai adoré. J'ai aimé la façon dont on a traité le sujet. La façon, les zombies sont violents en tabarouette. C'est incroyable. Puis, ils sont bien faits. Ah oui, c'est tellement bien fait. Puis à un certain moment, ma copine de base n'aime pas les zombies. Et elle est venue s'asseoir pour écouter le film avec moi. J'ai fait, hey, c'est vraiment pas une bonne idée. Puis la scène du zombie qui essaie de péter une fenêtre avec sa tête pour essayer de rentrer en char venait de passer. Sérieusement, je pense que. Ben finalement, elle l'écoutait jusqu'au bout. Donc, mais c'est. Je sais pas si tu l'as vu, Mathieu. Non, c'était une de fin du monde, quoi, ça? Oui, un peu. Okay. Pas mal, même. Mais, ouais, c'est ça. C'est avec Johnny Depp. C'est avec Brad Pitt. Je l'ai pas vu, puis je le sais plus que toi. Non, mais c'est contamination zombie mondiale, en fait. Puis c'est les zombies les plus intenses qu'il y a pas. C'est je te mords, mettons, je suis un zombie, je te mords. Dans 12 secondes, tu te relèves, t'es rendu un zombie. Ouais. Wow. Puis c'est intense, là. Il y en a un mort. À un moment donné, dans une scène X que j'aimerais pas, il y a un zombie qui réussit à s'infiltrer à quelque part et le bordel pogne en dedans d'une minute. Ah, oh, c'est l'enfer. C'est épouvantable. Ouais. C'est vraiment, vraiment super bien fait. Puis c'est stressant. Moi, ce que je regrette de ce film-là, c'est de pas l'avoir vu au cinéma. Parce que c'est vraiment très, très, très bien fait. Là. Parce que justement, la scène est assez classique là, parce qu'on le voit dans la bande-annonce là, où tout le monde monte pour essayer de franchir une muraille. Où les zombies se montent dessus. Ouais, c'est ça. Leur seul but, là, c'est de monter puis de traverser là. Puis ça, je me suis dit, maudit que j'aurais dû le voir au cinéma. Ah oui, c'est vraiment bien fait. Pis les premières images que j'avais vues, c'était pas 100%. Puis de ce que j'avais lu, c'était, il n'y avait pas encore fini toute l'animation. Puis je me suis demandé pourquoi il y avait sorti les images dans ce cas-là. Là. Mais quand j'ai vu le film, je craignais ça. Puis finalement, je me suis dit, oh non, non, non, ok, c'est génial. Finalement, tu ne crains plus. Pas en tout. Je suis convaincu. Voilà. World War Z. Ouais, c'est dit. Maintenant, on a enfreint assez de règles. Là, on a parlé de Black Friday, puis c'était super raciste. Puis on a parlé que Alexandra Carignan n'aimait pas les zombies, fait qu'elle est homophobe. Fait que... homophobe? Les zombies. C'était facile à mort. C'est pour ça que j'allais appuyer sur le bouton play. Écoutez, Benja Boulat. Voici Tall Tall Shadow. Et après ça, c'est Maxime Tog. Oh, j'ai honte de cette blague-là. Beaucoup trop facile. Tu fais bien. C'est très grande gueule. Mm-hmm. Be true, I'll be gone. You're only fooling yourself. Open hand and now you are holding out. But there is no life that you can't live in. Tear it apart. Your old confession made in the dark. Now every hour Jabulat et Tall Tall Shadow à Assemblage Requis. Maintenant, on accueille Maxime Tanguay. Voici ce conique. Ah, c'est vrai, il faut lui demander de le dire. C'est pas nécessaire. Non, c'est nécessaire. Tu vas jouer Brad Pitt. Je peux pas être bon de même. Peu importe le rôle, inspire-toi de Brad Pitt. Hey, je peux pas être bon de même. Attends, tu peux. J'ai As-tu le temps pour une chronique? Ouais, efficace. Ben non, j'ai... il est trop bon, rapide. C'est « J'ai tout le temps pour une chronique », la chronique où on écoute de la musique pour étudier. C'est le nom même qui nous dit tous les détails. Ben c'est ça. Tu m'avais demandé ton nom de chronique, j'aimerais ça qu'il y ait un jeu de mots dedans. Voilà, « J'ai tout le temps pour une chronique ». Non, tu ne me l'as pas demandé, on se connaît tellement. C'est ça. Je l'ai fait juste pour mon plaisir. Exact. Allô les gars. Allô. Salut. Allô. Hey, fin de session, hein? Ouais. Ben oui, il y a de la neige puis tout. Puis j'ai mangé mon deuxième chocolat de l'Avent, c'est le fun au bout. Oh wow! Ben oui, hein? Moi, des fois, je le garde plus pour le soir. Parce que je me dis que c'est une petite récompense. Faut que tu en gardes dans chaque pièce de la maison pour en avoir à chaque moment de la journée, c'est la fin. Ouais. Moi, c'est drôle parce que j'ai comme pas l'habitude de manger du sucré le matin. Moi, je suis très salé dans la vie. Fait que de manger du petit chocolat en me levant le matin en décembre, c'est comme un wouh! C'est un petit hype dans ma vie. Et moi, j'aurais envie de prendre mon calendrier de l'Avent, skipper genre 4-5 jours, et puis après ça, me faire une toast au chocolat de l'Avent à la place oh, du Nutella. Oh shit, hein? Oink, une fondue. Ouais, mais, ouais. Dans les années, là, puis j'en ai à chaque année depuis maintenant à peu près 20 ans. Des à peu près calendriers de l'Avent. 20 ans. 20 ans. C'est comme le format de café chez Starbucks, hein? Un 20 ans. Un 20 ans. Hey, c'est. Hey! Je suis passé client chez Starbucks. Mais il a diminué, hein. Il rapetisse à chaque année le mot de ces petits chocolats. C'est comme les œufs Cadbury qui descendent dans les vendeurs aussi. Ah, outrage, hein. Outrage au tribunal. Mais tu sais que ça, écoute, on fait vraiment une parenthèse, là. Mais c'est l'affaire que, dans mon souvenir, goûte le meilleur au monde. Puis qu'à chaque fois que j'en mange. T'es déçu. Je suis déçu. Je sais pas pourquoi. Ah, les petits œufs Cadbury? Oui. Ben non. Ils étaient meilleurs, je suis sûr, quand j'étais jeune. Non, non, non, moi, j'ai trouvé encore très bons. Ils sont encore très bons. Ils sont juste plus petits. Non, c'est peut-être ça. Je suis peut-être déçu de la petitesse de la chose. La petitesse de la chose. C'est la largeur hein, qui compte, pas la longueur. De bref. Donc, où je voulais en venir avec c'est la fin de session, pis tout. Oui, il y a de l'étude, mais il y a aussi des travaux de fin de session qui sont de plus en plus accaparants pour plusieurs étudiants que je connais, que je salue, vous. Voilà. En ordre alphabétique. En ordre alphabétique. Andrea. En tout cas, bref. Donc, ce que j'amène aujourd'hui, c'est une chanteuse qui a un groupe de musique. Avec des personnes dedans et des instruments de musique. Ça? Exactement. Donc, c'est je connais ce band-là, c'est mon préféré. C'est mon préféré. Et non, c'est une chanteuse que j'écoute souvent quand je fais des travaux la nuit. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui vont dire hey, « Non, faut se tenir réveillé à nuit, faut écouter de quoi qui brasse. » Pas moi. Moi, honnêtement, après 10 heures, écouter de la musique qui brasse, non, ça me tombe sur les nerfs, je suis plus capable, ça me donne mal à la tête. Donc, j'écoute des trucs qui vont être ambiants, qui vont quand même me porter dans la nuit, si je peux le dire, de façon plus ou moins poétique. Et si je... Oui, j'y allais. S'il n'y allait pas, j'y allais. On est connectés. Ouais. Vous êtes incroyables. À quel mariage? Ah, ben ça, à la fin de la saison, comme final cliffhanger. Oui, c'est ça. Ah. Puis on va animer en direct. Génial. C'est fou, était là. Ah oui. Puis il va y avoir des chroniques pendant le... En tout cas, ça oui. va être écœurant. Et un toast de chaque chroniqueur. Ah oui. Une rôti avec du chocolat oui. de l'avant. Eh hey, oui. Un toast. Ah oh, oui. Ah, drôle. Merci, Mathieu. Oui, bon. Ok, c'était je pense ça. Une blague de roast. Comme, tu sais, aux États-Unis, un roast, c'est quand tu parles, quand devant une foule, tu parles contre la personne. Tu sais, un bien cuit qui appelle en français. Ouais, ouais. Je pense que c'est une blague de bien cuit. Ouais. Ah. Ça aurait été drôle, ça aussi, je trouve. Ouais, ça aurait été meilleur. Ouais. Bref. Donc, c'est. Hope Sandoval, bon, on va oui. dire, là. And the Warm Inventions, en fait, qui est le nom de son groupe, mais c'est surtout elle et le guitariste dont le nom m'échappe, mais qui va me revenir, là. Colm O'Chiogzion. En tout cas, le gars de My Bloody Valentine. Normal que c'est oublié. Il y a tellement d'accent dans ce nom-là. Là, c'est point d'âme. Donc, le guitariste de My Bloody Valentine, qui, eux, ensemble, ont donc décidé de créer un groupe. C'est le batteur. Hein, je suis vraiment désolé. Hein? Donc, lui, le gars avec les accents, c'est le batteur, non le guitariste. C'est le batteur de My Bloody Valentine. Okay. Je suis désolé. Puis, c'est que j'ai, en le disant, j'ai fait « Ah non, c'est pas ça, pas okay. en tout. » Donc, voilà, donc, Hope Sandoval, qui est la chanteuse de Maisie Star. Et qui est un groupe dream pop, surtout un peu alternatif, légèrement psychédélique, mais okay. grosso modo très tranquille. Et donc, elle sort, le groupe Maisie Star a eu une longue pause. Ils viennent de revenir, ils ont sorti un album à l'automne, un excellent album d'ailleurs. Mais entre-temps, avant que le groupe revienne, elle avait créé donc Hope Sandoval and the Warm Inventions avec Monsieur Shioshwigan. Et, on l'appelle Jeff. On va l'appeler Jeff. Cole. Et donc, groupe justement qui va explorer beaucoup la dream pop, mais encore plus. C'est vraiment très, très, très, très, très doux comme musique. T'as vraiment l'impression que c'est un ange qui chante. pour vrai, c'est hallucinant. Elle a une voix très paisible. Elle ne pousse pas sa voix, ce que j'aime beaucoup des chanteuses qui, malheureusement, des fois vont... Florence and the Machine, que j'ai un respect temporaire pour eux autres. Jusqu'à preuve du contraire. Mettons, la chanson qu'ils ont faite pour la trame sonore de Gatsby ou Akiri quasiment tout le long, que ça me rend agressif. Là, c'est la première fois dans l'appartement que j'ai demandé à Alexandra d'arrêter une tune. T'arrêtes ça. Fait que j'aime pas ça. Et Hope Sandoval est l'incarnation du contraire de ça. Donc, vraiment très, très, très posée. C'est une musique qui va vous faire planer, vraiment, là, qui va vous emmener dans... Si vous vous concentrez à écouter ça, vous allez finir par tomber dans un monde alternatif. C'est vraiment superbe. Je vous offre, je pense que le mieux, c'est de l'écouter. Ça va être la première pièce de leur deuxième album qui s'appelle Through the Devil Softly. La chanson s'appelle Blanchard. Blanchard, je sais pas comment le prononcer, là, mais... Pas, ouais. Elle dit pas dans... Tu sais, des fois, c'est ton cue, là. Mais voilà, donc je vous offre Blanchard, de quoi pour étudier, pour faire des travaux de nuit. Si jamais vous êtes dans mon style et vous n'avez pas la musique qui brasse trop la nuit, là. Voilà, Hope Sandoval. Assemblage requis, c'est J'ai du temps pour une chronique. I remember. moi, j'ai le goût de me coucher en cuillère avec Murphy. Oh. OK. Je pensais que c'était une invitation. Non, non, non. OK. Laisse faire, je vais le faire tout seul. Je vais le faire tout seul. Donc, c'est beaucoup ça. Ça reflète très bien l'album. C'est la première pièce de l'album. Ça reflète très bien l'album en tant que tel. Donc, l'ambiance que vous allez avoir. Cette espèce de justement, de dream pop, folk, un peu acide à la limite. Là. Vraiment très, très bien, très doux. C'est un album justement que j'avais utilisé pour étudier, pour faire un travail un soir en géographie dans le temps que j'étais dans le bac. Et jadis. Et je pense que je l'ai écouté deux fois en boucle. Hein? Qui dure au moins une cinquantaine de minutes celui-là. Pas deux fois, deux fois en boucle. Jamais vu. J'étais sorti de là à genre 3h30 du matin. Ça n'a pas de maudit bon sens. Là. Mais c'était l'album qui m'avait accompagné. Vraiment, si vous aimez Hope Sandoval, si vous aimez sa voix, vous pouvez aller, je vous suggère fortement d'aller écouter Maisie Star, qui est vraiment un excellent groupe, qui est son groupe d'origine, qui date des débuts 90, là, si je me souviens bien. T'es que c'est quand même Maisie Star? Maisie Star, M-A-Z-Z-Y, okay. Star, en deux mots. Et donc, ils viennent aussi de lancer un nouvel album, donc c'est intéressant de les découvrir avec ça. Mais vraiment, vraiment, là, un très bon groupe. Une chanteuse, écoutez, elle a 40, à mi-quarantaine, je crois, Hope Sandoval. Et tu regardes une photo, puis tu entends sa voix, puis tu as l'impression que c'est une jeune demoiselle de 25 ans. Oh. Une jeune nymphe. Vraiment, c'est un ange. Je l'adore. Donc, si vous aimez de quoi pour relaxer, à la limite pour décompresser, après des fois, une journée aussi d'études, où on a beaucoup de stress, ouais. Des fois, avant de s'endormir, ça peut être bien d'écouter ça, justement, parce que ça va nous amener dans une espèce de second niveau là, de l'esprit pensé de « tu vas baver sur ton oreiller après ». Ça m'est arrivé. Ouais. Histoire vraie. Histoire vraie, écoute. Donc, voilà, c'était ma suggestion de la journée. « Hope Sandoval and the Warm Inventions Through the Devil Softly », qui est leur deuxième album. Ils ont un premier album qui s'appelle « Bavarian Fruit Bread ». Le pain aux fruits bavariens. Bavarien. Mais j'ai pas écouté cet album-là, par contre. Donc, mea culpa, j'ai pas entendu c'est probablement excellent disque. Mais les critiques sont un petit peu plus mitigées sur celui-là. Mais en même temps, les critiques, ça dit toujours ce que ça veut dire. C'est exact. On peut pas toujours justifier. Tu nous conseilles des albums et non pas des groupes. Là, de toute façon, c'est pas mal un album que tu nous conseilles. Ben, dans ce cas-ci, je vous conseille surtout l'album. Mais je veux dire, je suis convaincu que si vous écoutez le premier, vous serez pas déstabilisé. Parce que c'est déjà, de faire le saut de Maisie Star à ça, c'est pas si déstabilisant. À la limite que Maisie Star va peut-être être moins planant un petit peu. Légèrement moins. Okay. Mais pour le reste, c'est quand même pas mal dans la même zone. Donc, je suis pas mal convaincu que si vous allez écouter l'autre album avant, à la place d'écouter celui-là, ça va être de quoi? Ça va être dans le bullseye. Bullseye! Bullseye! Oui, tantôt, Max, tu disais que tu bavais sur ton oui. Oreiller. tu bavais rien. Il bavait rien. OK, mention spéciale. Vraiment, là. Ouais. Génial. On a une deuxième pièce à entendre. Oui, vous semblez vouloir écouter une deuxième pièce avec raison, parce que c'est bon, Colin. Donc, je vous suggère There's a Willow, la septième pièce de l'album. Donc, il y a un soul. Oui, soul. Willow, c'est comme ça qu'on l'appelait dans Buffy aussi, le personnage de Willow. En français, oui. C'était soul qu'on l'appelait. Ben oui. Dans la version française, ça veut dire que Buffy, il l'appelait Bichette. C'est vrai? Je te jure. Bichette. Je te française, promets. Française. Ouais, je te promets. Bichette. Je sais pas. Vraiment? Ils sont bizarres, eux autres. Étudie. C'est J'ai tout le temps pour une chronique. Ben oui, vous êtes génial. Ah. Willow. Willow. Aïe. Let the hills softly. That I'm ever leaving like I should. Now why don't you fix it? Should I know? Could I go? How could I explain those things to you? forgets why you're under her gaze. Should I know? Could I be foe? Would I stroll? Only if I could with you. Côté tropical, quasiment. Tropical! Ce qui est encore plus drôle, c'est que nous, pendant que c'était planant, tu sais, tout, on gueulait comme des Mongols, moi puis Mathieu. Genre, Frank's Red Hot! Ils font de la sauce à l'indienne maintenant chez Frank's Red Hot. On capote. C'était assez humiliant. Ouais. Fait que là, si vous allez regarder sur Facebook, moi puis Mathieu puis moi, on a tout à coup like la même page. On dirait vieux couple. On dirait vieux couple. Ouais, vieux couple. D'ailleurs, c'était ma dernière chronique. Non, non. Ah, non! On vient dans notre arène, notre... Ben oui, écoute, il faut que ça soit de la sauce chili. Ça sera de la sauce chili, pas toi. Okay. Il n'y a pas de problème. La sauce chili. À la place, t'as le camp nudiste, un camp de chiliste. Un camp de chiliste. Tout le monde, hein? Monde est bien relax. Ouais. Tu mets de la sauce partout. Go. Je peux-tu faire une plug vite avant de... Vas-y donc voir. La lime demain, ça va être bon. Hein. Mardi soir? Ouais, mardi soir, 20h, maison de la culture, maison de la galerie. Maison de la culture, demain soir, la lime, on a une scène alternative. Donc, vous connaissez la scène habituelle de la lime, ce sera pas ça demain. Non, ça va être d'autres choses. Avec d'autres formes. Oui, ça va être non, pour essayer. Puis ça se pourrait que les gens soient intégrés dans la scène. En tout cas, on verra. Hein? Et le maître de jeu invité demain, c'est François Lanneuville. Probablement un des plus grands joueurs que la Lime a eu. Mauricienne, on s'entend malheureusement. Donc, demain, ça va être excellent. Les verts contre les blancs. Voilà. Mardi, comme les verts blancs. Verts blancs. C'est vraiment dégueulasse. Yark. Ouais. J'ai écouté Supernatural. Rapidement, là, je me clenche les Supernatural avec Alexandra à la maison. Et on a écouté l'émission des insectes. C'est dégoûtant. On a passé comme une heure après à se gratter partout. C'est bon, ça, Supernatural? C'est excellent. Hein? Si t'aimes Buffy, c'est comme Buffy, mais plus épeurant, plus adulte. Bichette. Je la pogne! Je viens de la pogner! Quoi? Mais ça a été long, là. Je m'excuse. Ouais. Je viens de la pogner. Si t'aimes Bichette, tu vas aimer Supranaturel. Voilà. Les Français sont en tout cas. Bref, merci Maxime Tanguay. On rappelle le nom de l'album et de l'artiste du groupe. Hopes and Devil and the Warm Inventions. C'est le groupe et c'est Through the Devil Softly. Donc, à travers le diable, tranquillement. Tranquillement. Et puis l'autre, c'est les inventions chaudes. Ah oui, Espoir Sandoval et les inventions chaudes. Sandoval, c'est Sable Ovale. Sable Ovale. Sable Ovale. Espoir Sable Ovale et les sensations chaudes avec l'album À travers le diable, doucement, tranquillement. Demandez ça chez votre disquaire préféré, voir ce qu'il va en penser. Demandez Simon Potvin. Il va comprendre. Lui. Non, probablement pas. Ça va probablement le faire suer. Fait que... je le salue d'ailleurs. Simon Marijuana 20. C'est ça? Ou wine. Marijuana. Marijuana, oui. Potvin. Potvin. Merci. Merci. À toi. Mais à vous. Simon Potvin, d'ailleurs, joue à la lime demain. En tout cas, je joue ça demain. Ah, sans blague, hein? Bon, allez-y. Et merci, Maxime Tanguay. Merci à vous. À la semaine prochaine pour une autre chronique. J'ai-tu le temps pour une chronique? Ben, j'espère que j'ai le temps. Ben, quand il y a le temps, il y a le temps. Ben, c'est ça. Tant qu'à le faire, fais-le bien. Ben, exact. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Mon père me disait ça. Ouais. Ah, ben, j'aurais aimé connaître ton père. Il a l'air sage. On se termine cette émission-là ici. C'est assez d'émotions pour aujourd'hui. On a vraiment eu toute une gamme de panoplie d'émotions aujourd'hui, tu trouves pas? Oui, on est passé de heureux à très épicé. Comme une sauce red hot, mettons. On remercie... excuse-moi, c'était qui aujourd'hui? C'était... Antoine Lacasse. Antoine Lacasse de la Luitre. On remercie Laurent Constantin. Oui. On remercie Max Tanguay. Maxime Tanguay. Allô. Vrai? Merci à vous autres. Demain, l'émission, Jean-Philippe, te rappelles-tu ce qu'on a? Rapidement, on est mort. Marie-Laurence. Oui, Audet, qui vient nous parler de loisirs. Exact. Ensuite, Mathieu Roy. OK, de la GEQTR. Et finalement, Alexandra Carignan pour Le temps d'une culture. Pour Le temps d'une culture. Le temps d'une culture, c'est dans le temps d'une culture. Ouais. Voilà, ils se cultivaient dans le temps. Voilà. C'est ce qu'ils disent. C'est demain entre 6h30 et 9h30, en direct à partir toujours de 7h30. Restez à l'écoute parce que dans quelques instants, à 11h, ce sera Dîner de con avec Dany Janvier. Ensuite, à 13h, Les Précieuses Ridicules, le magazine culturel féminin. À 16h, je dis tout le temps 15h, c'est 16h, son émission d'Indie Rock. À 17h, je serai de retour avec Stéphanie Paradis pour les Palmarès Sif Audition New Shit. À 18h, c'est Mademoiselle Blues. 19h, le voyage de satellite. Et 20h, Rock de Neuron. Voilà. Toute qu'une journée. Restez à l'écoute. Sif.ca. Pour la programmation complète. Hein? Assemblagerequis.com pour les balado-diffusions et les notes de l'émission. À demain! Et tous les médias sociaux. Facebook, Twitter, Splashback, etc. Cyberlundi. Cyberlundi. On a des spéciaux sur la musique. Toute la journée, c'est vraiment moins cher qu'à l'habitude. Oui. On vous paye pour. Ouap, ouap, salut.